Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et vous avez entendu régulièrement cette année Marie-Claude Dionne nous parler d'histoire, de civilisation ancienne, de l'homme de Néandertal. Bien aujourd'hui, elle va nous parler de fouilles archéologiques effectuées lors de son bac en archéologie. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, en 2010, avec l'Université Laval et le département des sciences historiques, qui s'appelait le département d'histoire dans le temps, m'ont envoyé en France pour faire des fouilles archéologiques dans le cadre d'un partenariat entre la France et le Québec. Mm-hmm. Et je suis allée pour un peu moins d'un mois pour aller recueillir des échantillons de sol archéologique pour les traiter une fois que je serai revenue au Québec. Et donc, au cours de mon baccalauréat en archéologie, on m'a fait connaître l'archéo-entomologie, qui est une discipline qui étudie les insectes dans un contexte archéologique. Ouais. Donc, archéo-entomologie. Exactement. Donc là, on voit bien les deux mots, là. Oui, archéo et entomologie. Ouais. Et donc, je me suis rendue à Brouage, dans la Charente maritime, pour aller fouiller la maison Champlain et faire une étude archéo-entomologique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus où est-ce que ça se trouve, ça, Brouage? Oui, Brouage. Alors, on est sur le côté ouest de la France, dans les Charentes-Maritimes. Puis ici, on se représente la carte de la France. C'est vraiment dans le milieu bordé de l'océan Atlantique. Et en fait, Brouage, il était situé près de la côte du golfe de Gascogne, mais il n'est pas encerclé présentement d'eau. Il n'est pas dans la mer. Ah. En fait, d'ailleurs, une de ses particularités, c'est qu'avant, lors de sa fondation, il était entouré de l'ancien golfe de Saint-Onge, mais maintenant, c'est un marais. Donc, c'est le marais de Brouage. Et c'est assez déstabilisant parce qu'on peut... quand on se rend au port de Brouage... Au port de Brouage. Eh bien, il n'y a pas d'eau. Il y a un grand pré qui s'étend. L'autre particularité, c'est que c'est une ville fortifiée, un peu comme la citadelle de Québec. Ouais. Donc, il y a des murs de fortification qui font tout son tour. Ouais. Donc, peut-être que tu peux nous faire un petit historique pour mieux comprendre l'établissement de cette ville fortifiée. Pourquoi est-ce que ça a été fortifié, d'ailleurs? Oui, on commence en 1555 avec le seigneur Jacques de Pont qui va s'intéresser au commerce qui est possible à faire avec le sel qui se présente à Brouage. Mm-hmm. Et il y a assez raison parce que la ville va devenir assez rapidement active et prospère du côté commercial, mais aussi du côté militaire, parce qu'on va éventuellement envoyer beaucoup de militaires et on va exporter, comme je disais, du sel, le sel de Brouage qui est considéré comme le sel, l'or blanc. Mm-hmm. Et ce sel-là, ben, on l'envoie en Angleterre, on l'envoie en Allemagne, jusqu'en Scandinavie aussi. Donc, ça voyage loin, il est très reconnu. Et ben, quand on pense à Brouage, on pense à Champlain. Ouais. Champlain, il est né. Dit-on. On n'a pas de date de naissance précise pour Champlain, malheureusement. Ça risque d'être entre 1567, le plus tardivement, c'est 1580. Donc, proche de l'établissement de la ville. Et dans ces années-là, il y a beaucoup de guerres de religion qui font face en France. Et on va se voir dans l'obligation de fortifier la ville de Brouage pour la protéger. Parce qu'à côté, à peu près à une heure de tour, il y a La Rochelle qui s'y trouve. Et La Rochelle, c'est un bastion de protestantisme versus Brouage qui était catholique. Les catholiques et les protestants s'affrontaient. Ouais. Exactement. Donc, on a érigé des murs de fortification. Brouage va aussi éventuellement devenir une base militaire, surtout très utilisée pendant le siège de La Rochelle en 1628. Pour la petite histoire, il y a une certaine Marie de Mancini qui a été envoyée en 1659 pour y rester à Brouage parce qu'en fait, à la cour de France, elle était follement amoureuse du jeune roi Louis XIV. Rien que ça. Et ça gênait un peu les plans de son oncle, le cardinal Mazarin, qui voulait que le roi épouse Marie-Thérèse d'Espagne. Et donc, il a décidé d'envoyer sa nièce loin pour ne pas déranger. Exactement, pas déranger ses plans. En 1666, on a la fondation de Rochefort, une autre grande ville portuaire, et à peu près dans ces dates-là, Brouage va perdre un peu son rôle commercial et militaire. Donc, la ville rentre dans un déclin. Les marais vont gagner du terrain, on va perdre beaucoup, beaucoup d'habitants. Et au début du 19e siècle, il manque tellement de personnes qu'on a à demander à une commune très, très près d'Hiers pour avoir son maire qui va présider comme maire aussi de Brouage. Et depuis, la ville fortifiée a vie de tourisme. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui vont y passer du temps pendant l'été. Mm-hmm. Mais alors donc, si on connaît si bien l'histoire de la région, pourquoi s'il y avait besoin de faire des fouilles archéologiques? C'est un peu revoir l'essence même de l'archéologie. C'est qu'avec l'histoire, on peut connaître certaines idées, certaines choses, souvent auprès de la bourgeoisie ou l'aristocratie, mais on connaît pas la petite histoire, ça, souvent, qu'on va avoir des manuscrits, des lettres, des écrits qui vont nous parler de grands événements, mais rien de plus petit. Ouais, on connaît l'histoire avec un grand H, mais pas la petite histoire du peuple. Exactement. Ouais. Et ça, c'est l'archéologie souvent qui peut combler les trous avoir une compréhension plus globale de l'histoire. De l'autre côté, on a aussi l'archéologie moderne qui est très peu... c'est pas une discipline qui est très connue en France ou très c'est rare, parce qu'enfin, on va s'intéresser à plus vieux. On va s'intéresser à l'époque médiévale et plus vieux encore. Mais là, récemment, le vent, on pourrait dire, qui a tourné, et on va s'intéresser à l'époque moderne. Et Brouage, en fait, c'est une des meilleurs exemples, parce que la ville va constituer d'un des meilleurs réservoirs archéologiques de l'époque, là, du 16e et du 17e siècle. Alors que la plupart des villes de France, comme Paris, il n'y a absolument rien qui pourrait être fait parce qu'il y a trop d'aménagements urbains présentement. On peut pas détruire des buildings pour connaître un peu l'histoire d'avant. Et ce qui arrive à Brouage, c'est que vu qu'il y a eu un abandon assez tardif, mais récent dans un sens aussi, il y a rien qui s'est passé à part peut-être dans les années 2000. Donc, on arrive là-bas. On a accès à l'histoire. Exactement. Ouais. Donc, tout est proche. Donc, et plus précisément, on cherche quoi par ces fouilles archéologiques à Brouage? À Brouage, on a tout d'abord commencé à étudier les fortifications. Donc, les murs étaient là, étaient accessibles. Dans les milieux des années 90, on a essayé de voir qu'est-ce qui s'était passé. On sait que le cardinal Richelieu fait la reprise complète des murs en 1628 avec le petit quiproquo qu'il y avait eu avec La Rochelle. Et on a même découvert qu'il y avait une mise en œuvre d'une fondation avec une sorte de grillage en bois de chêne à l'intérieur des murs. Il y a aussi l'habitat civil qui est moins connu. On pourrait croire que c'est le contraire parce qu'avec les actes notariés, souvent on peut voir l'architecture des maisons, mais il y a très peu de papiers qui nous ont parvenus encore aujourd'hui. Donc là, c'est l'archéologie qui va venir remplir encore une fois des trous. Et ultimement, c'est la constitution du territoire urbain que l'archéologie présentement tente de comprendre et de cerner. Ce qu'on a aussi reconnu à travers les années, c'est qu'on ne connaît pas très bien la culture matérielle de cette époque-là, du 16e et du 17e. C'est-à-dire avec quoi les gens vivaient? Exactement. Ouais. Des fois, on prend pour acquis plein de choses, mais en fin de compte, on réalise qu'on ne connaît pas c'était quoi la typochronologie, donc savoir quels outils ou quel objet était utilisé. S'ils avaient des assiettes, des pendules, ce genre de choses? Exactement. Ouais, ça passe avec le mobilier céramique, la coutellerie, les objets en bronze, en os aussi. C'est un mobilier qui permet, ultimement, surtout à Brouage, de mesurer la réalité de l'ouverture du port sur l'extérieur. Ouais. Donc, on sait qu'il allait en Scandinavie pour aller changer le sel, mais est-ce qu'il y a une preuve tangible ou physique qui pourrait permettre en archéologie de voir ces importations-là? Puis le caractère qu'il y a sur le site, dans le sol archéologique, est humide, mais ça permet une préservation de tout ce qui est matériaux périssables, comme le cuir, le tissu, la nourriture aussi, le bois. Donc, on a toujours de quoi d'extraordinaire à trouver. Ouais, je sens qu'il y a tes yeux qui pétillent en parlant de tout ça. Juste en parlant de nourriture, c'est vraiment super d'être capable de retrouver des morceaux, des fruits. C'est vraiment super. C'est toujours impressionnant à trouver. Et donc, on parlait de Samuel de Champlain qui est né à Brouage. Est-ce qu'on fait des fouilles dans sa maison? Qu'est-ce qu'on y cherche? Oui, en fait, dans les premières années, quand moi, j'étais pas là, en début des années 2000, on a cherché à voir c'était quoi l'élaboration des murs, la structure de la maison. Quand moi, j'étais arrivée en 2010, mais il y avait un musée qui avait pris place sur sur la maison. Et moi, j'ai eu la chance de couvrir les jardins qui sont en arrière. Et donc, quand on arrive là, on voit toutes les structures dans la cour arrière. C'est assez impressionnant parce que là, on voit des traces à ras-le-sol et là, on est à se demander à quoi elles servaient. Puis, il n'y a pas de gazon, il y a juste de la roche. Et beaucoup de structures montées en pierre. Et puis c'est un point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas, c'est ça. on ne sait pas à quoi ces salles-là servaient. Ouais, c'est ouais. toujours ça qui est intéressant. Ouais. Sur le lieu de fouille, dans le plein milieu, dans la cour arrière du musée, on voyait les murs de fortification. D'ailleurs, c'était vraiment très beau à voir. Puis on voyait les gens y passer parce que c'est une zone couverte de gazon. Et les gens, bon, des fois, de temps en temps, on les voyait nous pointer du doigt, là, se demandant qu'est-ce qu'on faisait. Quelques curieux sont venus nous poser des questions, mais c'était plutôt rare. C'était souvent des gens de la place aussi qui étaient intéressés à leur propre histoire. Donc, qu'est-ce que tu y cherchais plus précisément? Moi, ben, quand je suis arrivée là, en fait, ma mission était de faire l'archéologie, l'archéo-entomologie, de prendre les parcelles et prendre les échantillons. Mais quand je suis arrivée là, j'étais un peu trop tôt dans la fouille. Fait qu'on m'a mis un peu partout, j'ai creusé, j'ai aidé à faire les trucs, mais jusqu'à temps qu'on tombe sur la salle numéro 7, où contenait deux structures qui étaient plutôt intéressantes. Deux structures rondes, c'est des structures cuvelées, une genre de grosse cuve, qui, en ce cas, à première mais en pierre? Non, c'était vraiment juste du bois. Ou ce qui semblait être du bois. Ouais. Donc, il y avait de la terre partout, deux cercles de bois, puis de la terre à l'intérieur. Donc, là, on se demandait, OK, qu'est-ce que ça fait là? Et qu'est-ce qu'il y a dedans aussi? Parce que c'est ça, ultimement, qui est intéressant à savoir. Parce que si on connaît son contenu, on va savoir ce que c'est. Donc, c'est un peu comme une enquête policière, là, finalement. Oui. Et alors, en quoi l'archéo-entomologie, donc l'étude des restes d'insectes, a pu apporter des éléments de réponse à cette fameuse cette question, à quoi ça sert, ces structures? Sur le coup, vu que l'étude d'archéo-entomologie se fait dans les labos, c'est sûr que c'est dur à dire une fois que j'étais là. Ouais. Mais quand on commence à creuser, on voit couche par couche, là, on voit que beaucoup, le sol est noir. Donc, un sol organique. Très humide, donc... organique parce que charbon? Parce que... Charbon, matière aussi organique. Donc ça noircit. Si, oui, ça va... c'est un sol très fertile, ultimement, on utilise ça, ça pourrait faire un très beau terreau. Et on réalise qu'il y a des morceaux, il y a de la nourriture. J'ai vu des prunes puis des raisins aussi dans leur format original, donc c'est assez impressionnant. C'est vrai? On a l'impression conservé. Il y avait des morceaux de bois aussi, puis il y avait des morceaux de cuir, on a trouvé des semelles aussi, de souliers, un peu déchirées, donc on ose espérer, ose croire plutôt, que ces semelles-là étaient brisées et qu'on les avait jetées dans ces trous-là. Éventuellement, avec les analyses archéo-entomologiques, on réalise que les insectes qui peuvent dire le taux d'acidité. En fait, il faut savoir que les insectes vont vivre dans des niches écologiques précises. Donc, si on trouve telle espèce d'insectes, on va savoir c'est quoi l'humidité, l'acidité du sol. On peut même voir à quelle période dans l'année l'insecte s'est trouvé là, selon sa grosseur, selon son stade évolutif. Donc, ça permet à la fin de savoir, ou en tout cas, les études sont pas terminées, mais on ose croire que ça serait des latrines. Avec tout le latrines? Oui, avec tout le contenu qu'on a retrouvé dans dans ces cuves-là, on pense que c'est des latrines, donc des toilettes d'antan, là. Il faut savoir aussi qu'à la fin, quand on a commencé à trouver la fin de ces cuves-là, on a remarqué que c'était des tonneaux. C'est sûr que des tonneaux, à l'époque et surtout à l'endroit, vu que c'était un port, il y en avait partout, donc c'était quelque chose de commun d'utiliser deux tonneaux. On n'avait pas les contours, mais on avait tous les ficelages de côté. Donc, c'est assez impressionnant de voir que ça l'a quand même relativement bien resté dans le sol. Puis, reste à voir s'il n'y en a peut-être pas ailleurs, à la maison de Champlain. Plein, mais peut-être aussi ailleurs. Mais c'est des structures qui doivent se retrouver dans d'autres maisons parce que tout le monde a besoin de latrines. Exactement. Donc, si on regarde les autres maisons alentour, on doit retrouver ces mêmes structures dans le fond du jardin. Probablement. Il reste à voir parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de fouilles qui ont été faites à Brouage. Ah. La maison Champlain, c'était un des plus gros chantiers. Il y a eu la maison des Récollets. Ça se peut très bien qu'il n'y ait pas de cuve à la maison de Récollets. C'était peut-être un peu plus... avec un standard plus élevé. Il y avait peut-être des toilettes montées avec... pas de la brique, mais des pierres. Puis l'autre structure qui a été fouillée, je crois, ça s'appelle la pépinière du roi. Mais là, je suis aucunement... j'ai aucune idée c'était quoi exactement. En tout cas, c'est assez... ça doit être assez fascinant, quand même passionnant, de réunir des indices, de voir comment ils ont été conservés, de dire, ces choses-là, ça a été utilisé ou rejeté par des gens il y a 400, 500 ans, comme si on rentrait un peu dans leur vie privée. Oui, c'est un vrai. Petit peu. Et puis de lire à travers ces vestiges pour en conclure, il y avait des latrines ici. C'est assez fascinant, finalement, de faire un lien aussi entre les insectes et les latrines. Oui. Curieux lien. C'est vrai, oui. Mais il faut savoir, surtout en archéologie, quand on ne sait pas c'est quoi, où ce qu'on est, mais les insectes, mais ça pourrait être le pollen, ouais. permet de donner plus ample information que les structures, disons, en bois ou métallique, en n'importe mm-hmm. quelle composition, peuvent mm-hmm. pas donner. Il va falloir que tu reviennes nous en parler davantage l'année prochaine. Oui, certainement, j'y serai. D'accord. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Donc, comme vous avez pu le constater, nous retrouverons notre archéologue l'année prochaine. Alors maintenant, c'est l'heure des publicités sur CKRL au 89.1.